Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons maintenant faire un tour au musée. Alors à Québec, nous avons le musée de la civilisation qui n'est pas un musée à vocation scientifique mais qui propose parfois de belles expositions scientifiques comme celle présentée en ce moment sur le musée. Mais il y a des musées à vocation scientifique et malheureusement leur financement est difficile car la culture scientifique ne tombe ni dans les attributions du ministère de la Culture et des Communications ni dans celle du musée du ministère de l'économie, de la science et de l'innovation. Alors, pour dénoncer cette situation, l'Association des communicateurs scientifiques a envoyé une lettre ouverte aux médias et sur laquelle ont rebondi plusieurs médias. Et pour bien comprendre la situation, eh bien, on va en parler avec Stéphanie Thibault, qui est présidente de l'Association des communicateurs scientifiques. Elle est au bout du fil avec nous. Bonjour, Madame Thibault. Bonjour Valérie, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Donc, merci de répondre justement à ces questionnements sur le financement des musées. Qu'est-ce qui se passe en fait avec les musées de sciences? Ils sont comme reconnus par le ministère de la Culture, mais cette reconnaissance ne leur permet pas de leur demander des subventions de fonctionnement? Oui, en fait, c'est exactement cette situation-là qui se présente. Présentement, le ministère de la Culture et des Communications reconnaît donc un certain nombre de musées pour leur qualité. Donc, évidemment, si on reconnaît un musée, ça veut dire qu'il rencontre certains critères. Mm-hmm. Cependant, lorsqu'il arrive le moment de lui attribuer certains types de financement, on ne le reconnaît plus. Mm-hmm. Alors, ce que c'est pour les musées dont on parle aujourd'hui, les musées de sciences, on leur refuse en fait un type de financement qui est un financement pour le fonctionnement des musées. Donc, les salaires, les entretiens, etc. Oui. C'est une part évidemment considérable du budget d'un musée à chaque année de pouvoir bien fonctionner et bien maintenir ses activités. Et donc, le programme qui sert à ça s'appelle le programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales, ou PAFIM. Mm-hmm. Et ce programme-là exclut clairement les musées de sciences depuis l'an dernier. Mm-hmm. Mais ça veut dire que précédemment, donc, les musées de sciences pouvaient demander leur budget du financement pour leur roulement, leur financement quotidien, mais que dorénavant, c'est plus possible. Exactement. D'accord. Il y a certains musées qui ont qui sont reconnus et qui continuent d'être soutenus par le ministère. Et d'autres se voient refuser cet appui. Alors, évidemment, là, ça pose des questions. Pourquoi on l'accorde à certains et pas à d'autres? Mais effectivement, c'est une nouvelle mesure qui a été mise en place l'an dernier. D'accord. Et quels sont les arguments du ministère de la Culture pour ne plus, finalement, pour reconnaître les musées de sciences, mais ne pas leur accorder de financement, pour les exclure de ce programme-là? Ben, en fait, c'est pas tout à fait clair présentement, parce que le ministère de la Culture et des Communications, ce qu'il a répondu, entre autres, au journaliste Philippe Mercure, lorsqu'il les a interrogés sur le sujet, ils ont répondu, en fait, qu'ils concentrent les actions auprès des secteurs qui sont en lien avec les fonctions du ministère, soit le patrimoine, les arts, les lettres et les industries culturelles. Ouais. Donc, les sciences ne font pas partie, selon eux, de leur secteur d'activité. Voilà. Donc, ça veut dire que finalement, la science n'est pas considérée comme faisant partie de la culture, en tout cas la culture telle que définie un petit peu par le ministère de la Culture. Mais je vais poser une question un peu naïve. Pourquoi la science devrait être du ressort du ministère de la Culture? Est-ce qu'on doit la considérer comme faisant partie de la culture générale? Ben à mon avis, et à l'avis de bien des gens aussi, ça devrait être le cas parce que la culture, c'est en fait tout ce qui marque notre civilisation. Et puis, on s'entend que la science a un effet incroyable sur l'histoire et ça fait partie des grandes réalisations de l'humanité. Mm-hmm. La science et la philosophie ont toujours été très intimement liées. Et puis, finalement, il faut voir aussi qu'il y a des incohérences si on exclut la science, parce que, dans un sens, on inclut le patrimoine industriel, qui n'a absolument jamais questionné pourquoi le patrimoine industriel devrait faire partie de la culture, mais on exclut la science. Alors, c'est un peu étrange. Et en plus, on voit que, par rapport à d'autres structures, c'est pas tout à fait cohérent non plus d'exclure la science de la culture. Au ministère fédéral de Patrimoine Canada, qui est l'équivalent finalement de culture et communication au Québec. Les musées de sciences sont sous cette gouverne-là. Mm-hmm. Et puis, en Europe, on a aussi une reconnaissance de la culture scientifique comme, intégrante de la culture. Et même récemment, la ville de Montréal a refait sa politique culturelle et on a réussi à y faire inscrire la culture scientifique. Ah oui. Mm-hmm. Et puis du côté du public, j'imagine que est-ce qu'ils y vont, parce qu'on pourrait prétexter aussi les sciences, les gens s'intéressent pas trop à la science, ils fréquentent pas les musées de sciences, donc on les finance pas. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que les gens vont ou ne vont pas au musée de sciences? Ben c'est là que c'est le plus surprenant, je vous dirais, parce que présentement au Québec, si on regarde l'ensemble des musées qui sont sur notre territoire, on a 14 % des musées qui ont une vocation scientifique. Et ces 14 musées-là arrivent à attirer 35 % des entrées. C'est quand même le tiers, là, c'est important. Oui, absolument. Et si on regarde une étude qui a été compilée avec les données de l'Institut de la statistique du Québec et par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, on constate que si on compare les données des entrées pour les musées de sciences et les musées d'art, c'est du simple au double. Il y a deux fois plus de gens qui se rendent dans des musées de sciences que dans des musées d'art. Et c'est vraiment la catégorie de musée qui enregistre le plus d'entrées. On regarde les compilations pour 2011 à 2015 et ça touche aux 3 500 000 entrées. Donc, c'est beaucoup comparé à d'autres où on voit que, par exemple, les lieux d'interprétation en histoire, en ethnologie, en archéologie, eux, plafonnent à 3 millions. Si on va du côté des musées d'histoire, c'est des catégories qui mettent différemment, là, mais donc pour des catégories où il y a un beaucoup plus grand nombre de d'institutions, comme je disais tout à l'heure, les lieux d'interprétation en histoire, en ethnologie, en archéologie. Pour 188 musées, ils ont 3 millions d'entrées, alors que les musées de sciences, pour 22 musées, en ont 3 500 000. Oui. Donc, on ne peut pas dire que la science, que la population n'est pas intéressée par ces expositions scientifiques. Mais alors, on peut se demander peut-être que si les musées de sciences ne peuvent pas demander du financement au ministère de la Culture, si le ministère de la Culture ne reconnaît pas la science comme faisant partie de la culture générale, est-ce que les musées de sciences peuvent s'adresser à un autre ministère, par exemple au ministère, le MESI, ministère science, économie, sciences et innovation? Présentement, c'est pas le cas. Donc, ce qu'il faut voir avec la nouvelle directive, finalement, du ministère de la Culture et des Communications, c'est que les musées de sciences n'ont pas été les seuls à être exclus. Cependant, c'est les seuls qui ont été exclus et qui n'ont pas eu de structure d'accueil désignée automatiquement. Donc, présentement, on est dans les limbes, si on peut le dire ainsi. Si on regarde du côté, par exemple, de patrimoine canadien, ce ministère fédéral-là ne finance pas le fonctionnement. Il va financer, par exemple, la gestion des collections, les expositions itinérantes, mais pas, il ne va pas avoir l'équivalent de ce qu'il y a avec le PACIM. Il y a depuis des discussions qui ont été entreprises avec le MESI. Il y a une table interministérielle qui a été mise en place l'an dernier. Mais rien ne se règle. On ne voit pas l'ombre d'une résolution de cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on commence à discuter un peu, parce qu'on s'entend que c'est anormal que un secteur, un pan de la culture comme ça, soit soudainement rejeté par un ministère sans offrir de substitut. Oui, c'est un petit peu étrange, effectivement, qu'aucun ministère ne semble s'intéresser à la culture scientifique ou reconnaître la science comme faisant partie de la culture scientifique, puis de l'importance de la science dans l'évolution de la société de toute façon. Parce que c'est comme s'il y avait un intérêt du côté du public qui va au musée, mais un manque d'intérêt du côté du gouvernement. Absolument. Et puis, on se l'explique mal, évidemment. Autrement, On aurait déjà des discussions qui seraient peut-être un peu plus fertiles si on avait une meilleure des arguments qui nous convainquaient. Là, pour l'instant, tout ce qui nous est présenté est un peu flou. Mm-hmm. Est-ce que l'Association des communicateurs scientifiques, donc, dont vous êtes présidente, entend faire quelques démarches ou s'allier à côté des musées pour faire une action commune? Savoir, c'est que l'Association des communicateurs scientifiques regroupe effectivement les communicateurs qui sont dans les institutions muséales scientifiques, autant que d'autres types de communicateurs scientifiques, incluant les journalistes. Et donc, que nous, on représente nos membres et effectivement, quand il y a un problème comme celui-là, on veut contribuer à résoudre les problèmes. Donc, on va poursuivre effectivement et on va tenter de s'assurer que les situations vont se résorber. Là, on n'est pas... On ne va pas rester les bras croisés. Oui, j'en doute bien. Bien, merci beaucoup, Mme Thibault, d'avoir mis en lumière cette dichotomie un petit peu entre les musées de sciences et le gouvernement, en espérant qu'une solution pointe à l'horizon. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir et j'espère bien avoir l'occasion de vous faire une petite mise à jour si ça finit par se régler. Nous n'y manquerons pas si, effectivement, il y a une mise à jour. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, nous étions en compagnie de Stéphanie Thibault, présidente de l'Association des communicateurs scientifiques. On va faire maintenant une pause publicité sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous parle de la physique de la ville.